Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Je ne sais pas si vous allez fêter votre anniversaire, mais ça va probablement vous arriver cette année. Si tel est le cas, réfléchissez par deux fois à qui vous voulez inviter. Parce que inviter par exemple Dominique Strauss-Kahn à votre anniversaire a coûté cher, cher à Julien Drey. Souvenez-vous, c'était en 2012, entre les deux tours de la présidentielle. Quand on voit la comédie à laquelle donne lieu le dîner d'anniversaire de Monsieur Drey, rue Saint-Denis, ça s'invente pas. On se demande si parfois des socialistes réfléchissent. Ce soir-là, DSK est l'invité mystère, accompagné de son épouse. L'établissement, un ancien sex-shop reconverti en restaurant et qui joue de son image coquine, comme le montre la vidéo officielle du club, présente sur Internet. Le plaisir sous toutes ses formes est à portée de main. Soirée à laquelle participent plusieurs ténors de la rue de Solferino et de l'équipe même de François Hollande, comme Pierre Moscovici, Emmanuel Valls, qui va s'entretenir avec l'ancien directeur du FMI. Ségolène Royal, elle quittera les lieux en apprenant sa présence. Et il était hors de question pour moi de croiser. Et dès que j'ai dit les bonjours qu'il fallait, que nos enfants se sont vus avec les enfants, je suis reparti immédiatement. C'est un pestiféré. Ensuite, aujourd'hui, il n'est plus dans la vie politique. Et donc, voilà, il n'a pas à être dans une campagne, dans des images qui pourraient éventuellement laisser penser qu'il y revient. Dites-moi, quand Julien Drey organise dans un restaurant qui s'appelle Jose, tenu par José, certes, dont l'apéritif s'appelle préliminaire, le plat s'appelle orgasme. Très bien, très bien, très bien, parfait. Gardons l'ordre si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui passe par la tête de Julien Drey? Pardon. Vous pensez qu'il y a toujours une proximité aujourd'hui des leaders socialistes avec DSK? Je pense surtout qu'il n'y a pas de sens commun sur ce qui se fait et sur ce qui ne se fait pas. Ça en dit long. Ça en dit très long. Super Fail. Marie Bordet et Laurent Tello, vous consacrez un ouvrage à Julien Drey. C'est toujours moi qui fais le sale boulot. C'est publié aux éditions Fayard. Il faut nous rappeler dans quelles circonstances Julien Drey a été conduit à ce Super Fail, invité Dominique Strauss-Kahn à son anniversaire. Marie Bordet. Julien Drey a toujours aimé fêter ses anniversaires et là, il va avoir 57 ans et il se dit qu'il faut qu'il marque un grand coup parce qu'en fait, il sort de son affaire des montres qui est un peu défrayé la chronique. Oui, ça, on va en reparler. Et donc là, il se dit, je suis sorti de tout cela et donc il faut que je fasse un anniversaire. Il a des amitiés éclectiques, il aime faire des fêtes, donc il se dit, c'est le moment. En plus, il est proche de François Hollande depuis toujours. Son meilleur ami politique est en passe de devenir président de la République. Donc, c'est le moment. Donc, il invite Dominique Besnéard, Pierre Moscovici, tous ses amis politiques qui se retrouvent dans ce bar de la rue Saint-Denis. Donc, un chouette moment, un moment pas comme les autres, puisque François Hollande va être élu. Disons qu'il anticipe cette victoire, il n'est pas le seul. Et il choisit un lieu à la fois modeste et un peu discret, Marie Bordet. Oui, c'est ça. Il veut pas consacrer un budget trop important. Il veut rester dans des limites de budget. Et donc, il choisit ce café qui, cette fête, va lui coûter 3000 euros. Donc, il trouve que la rue Saint-Denis est populaire et sympa, que c'est un bon endroit pour réunir des copains. Il envoie des SMS à tout le monde. Venez fêter mes 57 ans, signé Juju. Et il se rend pas compte, c'est ce qu'il dit encore aujourd'hui, que le café s'appelle Jose. Il comprend qu'il s'appelle José. Donc, d'où après les moqueries qui s'en suivront. Laurent Tello, oui, parce que ce café était un café un peu mauvais genre avant, toujours. Non, mais nous, on pense qu'il n'était pas au courant que c'était un ancien sex shop. Lui, son objectif, c'était à la fois de marquer le coup et de marquer son retour auprès de ses amis politiques, mais de pas faire, surtout pas après l'affaire des montres, quelque chose de tape à l'œil. Donc, il avait même envoyé des invitations à tous ses amis, à tous ses potes, mais en précisant bien, n'en parlez pas autour de vous, n'en parlez pas aux médias, on prendra pas de photos. Donc, une espèce de discrétion qu'il voulait absolument autour de cette soirée. Donc, le flunch n'était pas libre. Il décide d'aller donc dans ce café Le Jose. Et évidemment, il va inviter toute la campagne de François Hollande et le banc et l'arrière-banc des socialistes, Marie Bordet. Oui, il invite Manuel Valls, Moscovici, Bartolone. François Hollande est évidemment invité. Ah, évidemment. Ségolène Royal, Cambadélis, ils sont tous prévus au programme. Et il y a un invité surprise. Enfin, qui ça? Alors pour lui, il n'est pas surprise, c'est que, en fait, à ce moment-là, Julien Drey collabore au Huffington Post. Il travaille donc avec Anne Sinclair, dont il est proche et qu'il aime bien depuis longtemps. Et il nous raconte après qu'il se rend au domicile des Strauss-Kahn pour rendre un de ses articles à Anne Sinclair. Et il invite Anne Sinclair. Il dit, je ne peux pas ne pas inviter Anne Sinclair. Dominique Strauss-Kahn est à côté en train de broyer du noir. Il dit, bah, venez, c'est sympa, venez samedi prochain. Vous changez les à idées. Ma fête. Pour vous changer les idées. Et ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que DSK et Drey ne sont pas forcément proches. Vraiment? Non, vraiment. Politiquement, ils ne font pas partie du même courant. Drey était beaucoup plus à gauche au PS que DSK. Et puis les événements politiques et les événements de la vie ont fait qu'ils n'ont jamais été vraiment personnellement très proches. Donc c'est vraiment, ils lancent cette invitation-là un peu à la cantonade. Alors, il y a juste une chose, c'est que quelques mois avant, il y a eu l'affaire DSK. Et Drey, oui, ça on s'en souvient. Oui, alors on s'en souvient, Drey aussi d'ailleurs. Et donc il a ce tropisme qui fait que quand l'un... De son entourage, même s'il n'est pas forcément proche, se retrouve dans la merde et vilipendé par toute la France, il se prend d'affection pour ce personnage. Donc il se dit, ben voilà, en plus, ça va être sa première apparition publique depuis l'affaire, donc ben oui, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas inviter DSK. Alors Marie Bordet, il invite Dominique Strauss-Kahn, il prévient ses camarades en disant... Je tiens à dire, il y aura Dominique Strauss-Kahn ? Non, il ne prévient absolument personne. Et comment ils réagissent, ces braves gens ? Ils voient Dominique Strauss-Kahn, c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle ? Mais si on prend l'exemple de Ségolène Royal, il faut être très précis, je pense, dans le déroulé de la soirée, elle arrive à 22h30 tapante. Donc là, Drey lui dit, il y a DSK. Et là, Ségolène Royal, je pense, dans l'euphorie de l'arrivée dans une soirée qui a l'air plutôt sympa, dit, on s'en fout, on n'ira pas le voir, c'est tout. Voilà. Et le problème, c'est que trois quarts d'heure plus tard, Laurence Rossignol, qui est à l'époque sénatrice, pas encore ministre de François Hollande, arrive à son tour. Drey lui dit, DSK est là. Et là, Rossignol, contrairement à Ségolène Royal, tourne les talons. Et c'est là que l'enchaînement commence, en fait. Parce qu'elle appelle Dominique Bouissou, qui est l'ancienne assistante de Julien Drey, et qui travaille avec François Hollande au moment de la campagne. Et là, François Hollande, lui, est à un match de football au Stade de France. Et elle lui dit, surtout, François, ne viens pas. Elle sent déjà que ça va mal tourner. Et donc, c'est là que ça commence à déraper. Et comment l'emballement médiatique est créé? En fait, il se trouve qu'un journaliste du Point, qui s'appelle Saïd Maran, vient d'aller voir le match chez un copain et sort du match et se retrouve face aux Jauze. Il voit tous les classiques du Parti Socialiste sortir, enfin, en partie, certains sortir de cette soirée, dont DSK. Il dit, il se passe quelque chose rue Saint-Denis avec tout le Parti Socialiste. Il ne sait pas forcément au départ que c'est l'anniversaire de Drey. Et après, les choses s'emballent parce que donc il poste des photos sur les réseaux sociaux. On est quand même entre les deux tours de la présidentielle. Donc c'est quand même très étrange de voir tous ces socialistes rue Saint-Denis. Et là, après, ça prend plus d'ampleur avec une dépêche AFP qui va être faite par Sylvie Maligorn. Une dépêche AFP, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, Laurent Tello? En fait, ce qui se passe... La fête continue à battre son plein, sauf que Ségolène Royal, qui, au départ, était plutôt contente d'être là, et qui n'accordait pas une importance majuscule à la présence de DSK, là, se dit, le vent commence à être mauvais. Donc il faut que je me désolidarise de cette soirée, surtout que François Hollande va être élu dans une semaine. Bon. Donc, à ce moment-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle appelle une amie journaliste qui travaille à l'AFP, qui s'appelle Sylvie Maligorn, et qui l'interview. Elle charge Julien Drey en disant qu'il n'aurait jamais dû l'inviter. Moi, je suis reparti tout de suite, ce qui n'est pas vrai. Hein, ce qui n'est donc pas elle vrai. Ment. Mais donc pour nous, elle ment. Voilà, factuellement, elle ment. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Drey, lui, il est calmement dans sa soirée, Marie ouais, Bordet. Mais Drey, il profite. Il est avec ses copains. Je peux y discuter avec Yvon Attal, avec Hélène Roll, d'Hélène et des garçons, avec Valls, enfin moi avec ses copains. Et puis ses vieux copains aussi qui sont moins connus. Et donc, la fête s'étiole gentiment jusqu'au bout de la nuit, en fait. Et sur les coups de 4h du matin, les gens sont partis, hein, dans la grande majorité. Il reste les 2-3 très proches. Et donc, il aime pas se coucher très tôt, Julien Drey. Donc, pour lui, c'est quand même sympa de continuer cette soirée. Ah ouais, alors, qu'est-ce qu'ils font? Et donc, ils vont pas très loin, dans un restaurant qui est très célèbre, qui s'appelle Au Pied de Cochon, qui a la particularité, et c'est rare à Paris, d'être ouvert toute la nuit, d'être ouvert 24 heures sur 24. Et donc, il va se faire un bon petit gueuleton avec ses potes jusqu'à 6-7 heures du matin, en se disant que cette soirée était bien réussie et qu'il est très content d'avoir invité tous ses copains. Et à 7h du matin, et malheureusement pour lui, après cette bonne soirée et cette bonne nuit, il commence à y avoir des réactions. Et là, cet anniversaire, qui était un anniversaire privé, devient une affaire publique, Marie Bordet. Oui, là, je pense qu'il a effectivement un petit choc, parce qu'il se fait ramener en voiture par son copain Jacques Driancourt, qui est un producteur de cinéma. Après, donc, ses agapes au pied de cochon. Il allume la radio dans la voiture, et là, le premier titre du matin, du journal de 6h ou de 7h du matin, c'est l'anniversaire de Julien Drey, rue Saint-Denis, avec la présence de DSK. Et voilà. Et là, on est dans une autre dimension. C'est devenu cette fête qu'il voulait priver et qu'il voulait un peu être son retour sur le devant de la scène est devenu un espèce de boulet qui va se traîner et qui met en danger, selon certains, pour les adversaires politiques de Hollande, l'élection de François Hollande. Laurent Tello, autrement dit, cela devient un fait complètement politique. Oui, mais qui dépasse totalement Julien Drey. Je pense qu'on en parlera après, mais sa situation personnelle redevient encore totalement cataclysmique. Mais en tout cas, oui, ça devient une affaire politique de premier plan, puisqu'on est à quelques jours du second tour de la présidentielle. Donc, Nicolas Sarkozy, président sortant, a beau jeu de s'emparer de l'affaire, qui est ce qui est devenu une affaire, et d'essayer de coincer Hollande avec son meilleur pote politique, qui est Julien Drey. Et oui, parce que ce que vous racontez, Marie Bordet, c'est que, effectivement, autant Dominique Strauss-Kahn n'est peut-être pas un intime de Julien Drey, autant Hollande et Drey, eux, en revanche, sont intimes. Ah bah depuis très très longtemps, et puis Julien Drey a été un des premiers à parier sur François Hollande, à parier dans le sens, sachant qu'il pourrait aller loin, qu'il pourrait briguer le poste suprême. En fait, ils se connaissent depuis 1983. À l'époque, Julien Drey crée SOS Racisme, et François Hollande, qui est au cabinet de Max Gallo, est mandaté par le gouvernement pour surveiller un peu Julien Drey et tous les agissements de SOS Racisme. Et ils deviennent potes à ce moment-là. Autrement dit, taper sur Drey, c'est taper sur Hollande. Complètement. Il y a peu de gens, je pense, aussi proches que Julien Drey de François Hollande. Peut-être Stéphane Le Foll dans un autre registre. Mais avec Julien Drey, ils sont même copains de vacances. Et on rentre un peu dans la sphère privée. Leurs maisons de vacances sont à 15 km l'été. Les femmes se connaissent, ils passent des vacances ensemble, ils s'appellent 15 fois par jour. Quand Hollande a eu des soucis de couple avec Ségolène Royal, Julien Drey était présent et il était au cœur même de ce psychodrame affectif du couple. Donc, cela apparaît très vite comme étant une mauvaise affaire pour la campagne de François Hollande, lequel finalement quand même est élu, je crois. Oui, tout à fait. Mais lorsque l'on fête cette victoire, Julien Drey a une large déconvenue liée encore une fois à son anniversaire, Marie Bordet. Oui, tout à fait, parce que en fait, au lendemain de la victoire, François Hollande organise, comme ça se fait souvent, une fête, enfin un événement pour remercier les militants et puis les gens proches au QG de campagne dans le 7e. Et il y a un double effet qui se coule quand même dans cette histoire, parce qu'il y a cette histoire d'anniversaire totalement ratée. Donc qui devient effectivement un fait politique qui va traîner que Julien Drey va traîner comme un boulet. Et puis, il y a une personne que ça a fait sourire et que ça arrange, finalement, dans la coulisse, c'est Valérie Trierweiler. Parce que la nouvelle compagne de François Hollande déteste Julien Drey. Elle le déteste, en partie parce que, justement, il a été proche de ce couple. Et comme souvent, quand on est amoureuse de quelqu'un d'autre, enfin, on veut effacer la vie d'avant, et Julien Drey fait partie de la vie d'avant de François Hollande. Donc, pour elle, l'anniversaire, c'est le... Comment dire, c'est le l'occasion rêvée. Coup d'épée finale, quoi. C'est l'occasion rêvée pour se débarrasser définitivement de ce vieux copain qu'elle ne peut pas voir en peinture. Et donc, on est le jour de cette fête au QG de campagne. Julien Drey hésite à venir, parce qu'il sent quand même que c'est très compliqué pour lui à ce moment-là. Même si c'est évident qu'il doit venir, c'est le vieux copain de Hollande. Et il arrive dans les locaux, et la Valérie Trierweiler le voit de loin, et commence à dire à une de ses collaboratrices: Fais-le partir, il faut qu'il s'en aille, c'est pas possible, il n'a pas sa place ici, etc. Et donc la collaboratrice lui dit: mais c'est pas possible, je ne peux pas virer Julien Drey de la fête aujourd'hui, c'est pas possible, pardonnons aujourd'hui. Julien Drey rentre et il croise Trierweiler qui lui dit haut et fort et en public: maintenant tu dégages d'ici, je ne veux plus te voir. Devant Jérôme Guedj, devant des hommes politiques. Et là, elle l'accuse d'être un agent sarkozyste, car cet anniversaire, selon elle, est-ce qu'elle y croit, est-ce qu'il y croit pas, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, pour elle, cet anniversaire était là pour faire échouer François Hollande. Oui, voilà, c'est l'argument qu'elle propose, mais mais ça n'a pas de sens. Évidemment, enfin, Julien Dreyde n'a pas du tout fait. Enfin, je pense que c'est une espèce d'énorme gâchis, une énorme faute. Mais le pauvre, il n'a pas du tout fait exprès. Alors ensuite, Laurent Tellot, il faudrait voir avec son psychiatre, est-ce que cet homme n'est pas abonné aux actes manqués, comme par exemple le fait de s'acheter des montres trop chères pour un socialiste, le fait de fêter son anniversaire avec des gens qu'il n'aurait peut-être pas dû inviter. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez publié « C'est toujours moi qui fais le sale boulot », un livre consacré donc à cet homme Julien Drey chez Fayard. On va essayer de ne pas faire de psychologie de bazar, mais en fait, il y a un truc chez Drey, c'est qu'il a été trotskiste très très longtemps dans sa jeunesse. Et on en a beaucoup parlé avec des militants qui ont milité justement avec lui à cette époque-là. Et les trotskistes, il y a quand même quelque chose chez eux qui est de l'ordre de l'inabouti. C'est-à-dire qu'ils sont là pour saper l'ordre établi par rapport à une société qu'ils veulent combattre. Mais de là à passer le pas et d'arriver à devenir un parti de gouvernement, c'est compliqué. Donc il y a comme chez Drey, il y a toujours eu des moments où il aurait pu être ministre. En fait, ça s'est jamais produit. Comme s'il y avait ce truc. Ah bon? Avant cela, il a failli être ministre? En 88, il aurait dû être ministre, oui. Et puis au dernier moment, au tout dernier moment, Rocard le bif de sa liste. Et pourquoi? On n'a jamais vraiment su, mais sans doute que son passé trotskiste l'a rattrapé à ce moment-là et que Rocard avait horreur des trotskistes. Et c'était d'autant plus navrant pour Drey qu'il avait beaucoup aidé François Mitterrand dans sa réélection en 1988. Donc il y a toujours ce truc chez Drey, au moment où il doit passer à la caisse, eh ben ça se défausse, quoi. Au dernier moment, il y a toujours un accomplissement qui n'arrive jamais. Et au moment où son meilleur ami, ou quasiment son meilleur ami François Hollande, est président de la République, là aussi, bien entendu, il ne deviendra pas ministre Marie Bordet. Ah non, il n'en est pas question une seconde, je crois, dans la tête de François Hollande, au moment où il est élu. Il ne deviendra pas ministre, il ne deviendra pas non plus premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors que c'est évidemment un poste qui aurait pu lui plaire et François Hollande aurait pu l'imposer à ce poste-là. Mais il souffre, c'est un personnage complexe et passionnant, hein, mais il est très atypique dans le monde politique d'aujourd'hui. Parce qu'il est à la fois, comme disait Laurent, il vient du trotskisme, il vient du terrain. C'est ça qui fait sa force et qui fait son charme, qui fait qu'il intéresse des gens comme François Hollande. C'est qu'il a un pif politique hors du commun. Il sent les choses, il a été élevé aux manifs, quoi. Donc il apporte des choses, mais en contrepartie de ça, il y a un côté sulfureux dont lui-même joue, en fait, et lui-même a créé sa propre légende là-dessus. Mais Laurent Tellot, Julien Drey continue à fêter son anniversaire, on espère jusqu'à 120 ans. Et à l'un de ses derniers anniversaires, il y avait, je crois, d'autres personnes susceptibles de devenir président de la République. Oui, bah, c'est un peu cocasse, mais pour ses 60 ans, en fait, était présent François Hollande, alors qu'il n'est plus avec Valérie Trierweiler, mais qui est avec Julie Gayet maintenant. C'est la première sortie un peu publique des deux. Et il y a un certain Emmanuel Macron, qui est à l'époque ministre de l'économie, et qui deviendra président de la République quelques années après. Donc on a quand même ce personnage qui est quand même romanesque, qui arrive à fêter ses 60 ans quelques années après l'anniversaire de la Loose, avec présent un président de la République en exercice et un président qui va le devenir quelques années après. Enfin, c'est quand même dingue. Merci Marie Bordet, Laurent Tellot. C'est toujours moi qui fais le sale boulot. C'est le récit que vous faites de ce personnage, Julien Drey. C'est publié chez Fayard. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâchée par Alexandre Dang à la technique et surtout ruinée par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.